Salut Olivier. Comment on va? Ça fait des années. C'est la dernière chanson, Olivier. Du dernier album. Ce vieux groupe qu'on avait monté ensemble il y a tellement longtemps. Mendelssohn. Incroyable tout ce temps, c'est comme s'il m'était tombé le bruit de rien qu'il a fait. 25 ans. Olivier, tu te souviens, le célèbre imperméable bleu, on l'écoutait chez nous quand on habitait tous les deux. Tu vis pour presque rien maintenant. Est-ce que tu es heureux? Je te revois dans les couloirs de la fac, Olivier. La vie depuis nous est passée au travers, comme dit le poète. Cette classe étrange que tu avais, mon cochon. Tu vis maintenant du côté de Besançon. Je n'y suis jamais allé en concert. La bohème, c'était nous. Pas besoin d'Aznavour. Je revenais à genoux de Lyon. Et chez nous, pas d'électricité, pas de chauffage, pas de lumière. Tu partais le week-end chercher 50 francs chez ton père. La semaine, on essayait d'écrire des chansons. Olivier, tu étais tellement doué et tu t'en foutais. Tu avais tout le talent, je n'avais que les rêves. L'ambition. Je me sentais Novoselitch devant Kurt Cobain. Tu m'impressionnais beaucoup, tu sais. Dommage. Il a bien fallu que ce soit moi quand même qui me mette à écrire les chansons. Et si je n'ai pas écrit trop de conneries toutes ces années, c'est un peu grâce à toi, tu sais, fidélité. Je m'en serais voulu de faire honte aux copains. Tu m'as appris à jouer de la guitare. On a appris ensemble à être humain. On habitait cette cour rue Jean-Pierre Timbaud. Je sais pas si t'aimerais que je raconte de trop. Y a pas trop à raconter de toute façon. Le chat sortait dans la cour, on vivait dans l'obscurité. Ma première copine m'avait bien salé la tronche. Tu avais bien un peu pitié, mais pas trop. Cette histoire, ça t'emmerdait plutôt. Je chantais les chansons de Leonard Cohen comme si c'était les miennes. Oui, je faisais bien un peu pitié, Olivier, c'est vrai. Qui sait à quoi toi tu pensais? Tu vivais toujours comme si ta vie en dépendait. J'aime bien cette phrase étrange, un peu con. Je crois que c'est parce qu'elle est vraie. L'été, on zonnait au Père Lachaise. C'était nos vacances à nous. Plein air. Tu allais voir Proust et moi, Apollinaire. On fumait des heures sur les tombes. On a toujours été plutôt à l'aise avec les morts tous les deux. De toute façon, les morts ont la bonne dose de conversation. Et à propos de mort, Olivier, tu sais, j'ai vu un grand panneau dans la rue l'autre jour avec écrit entre guillemets « Je ne veux pas mourir ». T'imagines la surprise, 25 ans après, l'effet que ça m'a fait. Non, je ne crois pas, bien sûr, que c'était rapport à la chanson. Un jour, tu as décidé d'arrêter la musique. Quel mystère, quel drôle de suicide. Un musicien comme toi aurait pu devenir Charlie Eden, Brian Jones sans la piscine, McCartney sans les Wings. Je nous voyais grandir comme les Beatles, Lennon, McCartney, Boisise, Fay Jones. Et regarde, je finirai chanteur français. C'est la dernière chanson, Olivier, du dernier album du groupe qu'on avait rêvé ensemble il y a 25 ans. Incroyable qu'on soit toujours vivant, bonhomme, même si je meurs un peu ce soir. Avec la mort de Mendelssohn. Salut Olivier. Et salut à tous. Public invisible. 25 personnes dans un café. Pas la peine que je m'étende. Entre vous et moi, vous savez. Salut Mir. Où es-tu aujourd'hui? Salut Bruno. Quentin. Charlie, comment bien? Salut Emmanuel, très cher, très vieil ami. Salut Vincent, merci pour Lithium Vincent, merci pour moi et merci de la part des 25 personnes. Salut Stéphane, ici d'ailleurs. Merci pour le sauvetage. Merci pour Bruinoir. Merci pour l'accueil. Salut Fabrice, connais ça. Nicolas Becker. Salut les frères Laureau, vieux compagnons de route prohibitaine. Salut Julien Bassouls. Mon Broadway, Danny Rose. Salut Cécile, live. Pascal, Tipex, Florent, de Soyuz. Pas évident de trouver des concerts pour Mendelssohn. Groupe obscur, inconnu, mythique, culte. Mon Dieu. Salut Noël. Salut Dominique Marie. Je me souviens de tout, Dominique. Merci. Salut JP. Salut Guillaume au Chili. Salut vieux Bipi. Salut Stéphane Blaise. Sois béni, Blaise, pour Mendelssohn, le cinquième. Salut Christophe. Salut Gribouille, Sylvain, mon pote, champion. Je préférerais rater 1000 fois avec vous que réussir avec des cons. Salut Stan. Salut Michel. Salut à toi, Nicolas, mon frère. Si Mendelssohn était un seul homme, Il saurait combien il te doit. Ah, il le sait, je crois. Salut Nicolas, Jean-Baptiste, les nouveaux, le guépard, le fantôme. Salut Pierre-Yves, Sylvain, Jean-Michel, les derniers, la famille, les fidèles, les vieux tontons de mon fils, Gabriel. Allez, je vais encore me faire chialer. Salut Olivier, tu te souviens comme on se marrait? Comme on se marrait. Dans quelques secondes, ce sera terminé. J'aimerais tout faire disparaître sous ces albums, ces musiques, ces textes, ces années. Partir sans laisser de trace. Effacer la mémoire. Oublier la mission. Cette histoire s'auto-détruira dans 45 secondes. Ce serait beau à la fin. Ce serait comme si j'avais tout rêvé. Mais bon, c'est ce qui arrivera de toute façon à la fin des fins. Olivier, tu sais, je ne crois plus tellement à la postérité. J'espère qu'on en aura suffisamment profiter le temps, 25 ans, que ça aura duré. Allez, salut Olivier. Je suis bien heureux quand même. J'espère que toi, tu es heureux là-bas, dans ta campagne. Finalement, tu sais, ce n'est pas si désagréable de mourir un peu.